Salam, en ces temps de troubles, on peut dire ça comme ça, car c'est la réalité, en ces temps de confusion, chacun essaye, si vous voulez, chacun essaye de faire ses recherches, chacun essaye de comprendre et d'essayer de faire, si vous voulez, un rapprochement entre la théorie, l'apprentissage théorique et la réalité. Les mécanismes qui nous entourent, les facteurs qui nous entourent, la réalité, est-ce qui entre, si vous voulez, dans le schématisme théorique qu'on apprend. Donc, fait partie de ces confusions-là, les différents avis concernant le vote en démocratie, bien sûr le vote dans un système démocratique, entre guillemets, même si dans... Parce que dans les règles d'Usul al-Fiqh, dans les règles de base de la jurisprudence, on nous apprend aussi à regarder le champ linguistique et le champ de la réalité, le champ du concret, même si la démocratie telle qu'on nous la vend n'est pas vraiment appliquée, car elle est sous, si vous voulez, sous la tutelle des oligarques, capés par des fausses élections, etc. Si vous voulez, c'est une question de véracité de cœur. Donc c'est une question de renier cela, même si elle n'est pas applicable, même si elle n'est pas appliquée, même si elle est restreinte à un cercle privé. Vous pouvez donner tous les noms que vous voulez. C'est pas ça le problème. Le problème se base tout simplement sur nous-mêmes et sur le collectif de frères et de sœurs qui nous entourent. D'abord, en premier lieu, la famille. Donc déjà pour nous-mêmes et pour sa famille, et que chacun fasse pareil, à savoir se préserver du kufr et du shirk. Ça, c'est une règle qui est capitale pour une simple et bonne raison que quelque part, sans cela, il n'y a pas d'islamité. C'est aussi simple que ça. Pourquoi maintenant entrer de façon intense dans ce point législatif de l'islam? C'est parce que ce n'est pas chaque coin de rue que tu verras quelqu'un associé à Allah en égorgeant un mouton devant une statue, ou ainsi de suite. Hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas au bled ou ailleurs, mais je veux dire, faut, si vous voulez, faut être en fonction de la réalité, faut être un peu le miroir de ce qui se passe. Et c'est plus souvent des gens qui votent qu'on a devant nous. Moi, par exemple, personnellement, et c'est mon avis, et j'ai été convaincu en ayant étudier, analyser les différents avis depuis des années. Je suis convaincu que le vote, dans un système démocratique, hein, pas le vote en lui-même, pas l'essence même du vote, c'est-à-dire que le vote, quand il est petit, par exemple à petite échelle, l'essence même du vote, mais ça peut être un truc tout léger. Donc, à cet exemple tout léger, à savoir, vous êtes 10 frères et vous votez pour celui qui va faire la vaisselle, voilà, là, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas dans ce que... Dans ce qu'appelait Mohamed Amin al-Shanqiti, par exemple, le tashri' qui était kufri, la légifération interdite, ou ainsi de suite. Non, là c'est autre chose. Le vote, par exemple, lors d'une shura, hein, avec entre guillemets, une savancratie, qui doit être composée, si vous voulez, de théologiens pour donner l'étiquette du halal ou du haram par rapport à la décision qui va être prise, qui va être engendrée tout simplement lors de cette consultation, et les spécialistes de la question. D'où la savancratie entre guillemets. Donc si le problème est d'ordre économique des économistes, si elle est d'ordre médical des médecins, et ainsi de suite. Donc mon avis, personnellement, par rapport à ça, c'est que je suis convaincu, après avoir analysé depuis des années et des années les différents avis de savants en la matière, même si on peut dire que certains sont un peu loin de la réalité parce que certaines prennent des avis juridiques, des décrets juridiques qui viennent d'Arabie, qui viennent du Soudan, qui viennent du Yémen, qui viennent de Jordanie, qui peuvent même venir du Maroc et qui sont un peu loin de la réalité parce que la démocratie, entre guillemets dictatoriale de certains pays du Khalid, enfin de arabes et asiatiques, sont loin de la démocratie occidentale. Et de toute façon, il suffit de, si vous voulez, de passer d'une frontière à une autre, même en Europe, pour que la démocratie change. Mais si vous voulez, le socle même démocratique, à savoir le multipartisme, la souveraineté au peuple par le peuple, ne change pas. Moi, personnellement, je suis convaincu que voter dans un système démocratique qui ne respecte pas, si vous voulez, les codes et la codification islamique, Savoir le vote doit avoir lieu lors d'une shura pour des choses qui n'ont pas été décrétées directement par le Coran et la Sunna et qui doit être codifiée et schématisée par une savancratie et les chouillours qui sont là pour valider et tacler le licite de cette même décision. Mis à part ça, je suis convaincu que le vote dans un système démocratique et dans une structure étatique autre que celle de la charia d'Allah Azawajel, exalté soit-il, est interdite, et même pour la soi-disant règle du moins pire. Voilà. Parce que, bon, déjà, moi, je n'y crois pas. Je crois pas au fait que nos votes sont pris en compte. Sincèrement. Voilà, enfin, si vous voulez, d'un point de vue historico-politique, ça a été prouvé. L'histoire se répète, mais les acteurs changent, mais c'est toujours les mêmes. Faut toujours trouver des idiots utiles. Et en même temps, théologiquement parlant, je suis aussi convaincu. Voilà. Que voter, tout simplement, c'est faire preuve. C'est un lazim, c'est un cheminement. C'est pas directement du kufr dans le sens où c'est pas aussi bawah, c'est pas aussi clair. C'est pas aussi, si vous voulez, la chose en elle-même n'est pas aussi flagrante que l'insulte envers Allah, que la moquerie, si vous voulez, des formes de kufr flagrantes qui ne requièrent pas d'une certaine approche, d'une certaine analyse et d'une certaine étude. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui lancent l'anathème, si vous voulez, le tekfir, sur ceux qui votent. Mais c'est un lazim. Je suis persuadé que c'est un lazim, donc c'est un cheminement qui peut conduire au shirk. Hein, après, c'est cas par cas. La personne qui continue alors que, si vous voulez, les preuves ont été établies. Voilà. Comme on dit, chacun sa tombe, chacun sa janaza. Hein? Voilà. Donc, je suis convaincu par rapport à ça. Mais, en même temps, je vais utiliser l'ouvrage. Donc, c'est une sorte d'ouvrage qui a repris, qui a schématisé, qui a fait du bon boulot, en reprenant un peu les avis de certains chiour, certains moufassirines par rapport à tel verset, pour essayer, pour les transporter à l'ère contemporaine et ce qu'on vit actuellement, et avec cette pseudo-règle, du moins pire, pour essayer de la légitimer et essayer de la faire entrer et ancrer dans ce, excusez-moi du terme, dans ce bordel qu'est la démocratie actuelle. Donc je vais me servir d'un ouvrage qui vient de l'équipe TBN. Dans lequel il relate plusieurs avis juridiques et plusieurs noms, mashallah, assez réputés dans le champ de l'orthodoxie musulmane. Donc je vais lire, inshallah, et j'espère qu'après cet audio, certaines personnes vont faire leurs recherches de façon plus approfondie et vont comprendre pourquoi, tout simplement, il y a certains frères et certaines sœurs partout dans le monde, érudits ou ignorants comme moi, savants ou non, qui sont de cet avis-là tout simplement. Et d'autres qui prêchent cet avis-là, peut-être avec maladresse, d'autres avec plus d'érudition, plus de tact et plus de pédagogie. Certes, là n'est pas le problème, mais si vous voulez, c'est pour vous donner un échantillon. C'est quelque chose que je fais rarement dans mes audios, parce que moi, si vous voulez, j'ai plutôt la politique suivante. C'est ne pas donner directement le cerf à la personne, mais apprendre à chasser. Donc lui donner les outils avec un clin d'œil symbolique, si vous voulez. Je suis plus dans cette politique-là, dans cette optique-là. Mais là, on va faire une petite exception. Et en même temps, c'est aussi, si vous voulez, une petite pierre dans l'édifice, dans le sens où ce n'est qu'un petit ouvrage, quelque part. C'est pas. Voilà, qui essaie, si vous voulez, d'un peu de résumer, de schématiser un peu tout ça. Mais j'espère, Inch'Allah, que ça va donner envie à certaines personnes d'approfondir leurs recherches. Parce que ça parle quand même de votre religion. Ça parle quand même de la religion. Ça parle quand même de la religion. Attention, le mot din, hein, puisqu'on fait souvent cette erreur, mais parce que c'est un peu une dialectique populaire, on l'emploie un peu tout pour et un peu tout et un peu pour rien. Mais le mot din, quand on voit un peu le tafsir de At-Tabari, par exemple, ou bien de Ibn Kathir, qui dit exactement pareil, relié avec celui avec l'explication par exemple d'Ibn Taymiyyah, etc., et d'autres mufassirin, on comprend vite que le mot din n'est pas seulement défini et soumis à cette définition, tout simplement, qui est la religion, hein, qui vient du mot religare, qui a été répertorié comme religaré par Cicéron et qui définit un peu, si vous voulez, le fait de relier, lier, hein, dans l'ordre de la transcendance. Non, le mot dîn est plus que ça. C'est aussi, si vous voulez, la soumission à la législation et c'est donc l'obéissance à Allah, mais c'est aussi une législation, c'est un système, un ensemble de lois, un mode de vie dans le plan social, économique, rituel, dans le culte et ainsi de suite. C'est plus que ça. Le dîn, c'est plus que ça. Et si je me souviens bien, comment avoir défini tout cela, c'est qu'il y a plusieurs couches de lecture. Une des couches, c'est quand Tabari explique que c'est l'obéissance à Allah, et qu'ensuite, en prenant le verset dans Sourate Yusuf par rapport au roi, quand le mot dîn est utilisé, on voit très bien que là, ça parle de loi. Donc ça parle d'obéissance, dans le sens religaré, religion, la liaison, et qui va engendrer des actes d'obéissance, et ensuite la législation, et ainsi de suite. Pour entrer dans une wasila, si vous voulez, dans une définition un peu plus schématique, al-tawhid, al-rububiyya, al-ululiyya, asma wa sifat, si vous voulez, cette relation, donc la religarée, la liaison envers Allah Azzawajal, et l'acceptation du fait de l'adorer, donc d'affirmer cette chose et d'être négateur de toute forme de shirk et de reconnaître en fait qu'Allah est le seul à pourvoir, est le seul législateur et ainsi de suite. Donc le dîn est tout un système. Enfin soit, je vais commencer inshallah la lecture et j'espère sincèrement du fond du cœur que certaines personnes vont approfondir leurs recherches et vont enfin comprendre pourquoi certains sont si, on va dire, si radicales. Par rapport à cette opinion-là, à cet avis-là. Bismillah. Allah le Très-Haut, Allah l'exalté soit-il, dit: qui prête l'oreille à la parole, puis suive ce qu'elle contient de meilleur, sont ceux-là que Dieu a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Sourate 39, verset 18. Introduction. Louange à Allah. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons jusqu'au jour dernier. Récemment, un débat entre nos frères du comité religieux est survenu sur Internet concernant la permission de participer aux élections démocratiques. Dans l'Ouest, un article intitulé Voter ou ne pas voter et un autre intitulé Pourquoi voter et pour qui voter ont soulevé de nombreux points. Dont nous pensons qu'il est nécessaire d'adresser à certains concernant la démocratie et la participation au procédé électoral en général. Dans ce cours adressé, nous allons essayer d'apporter quelques clarifications sur cette affaire dans l'espoir de réfuter certaines prétentions et de corriger certaines erreurs des auteurs de ces articles, ainsi que de montrer les erreurs les plus courantes qui sont liées à ce sujet. Concernant le sujet des musulmans qui participent aux élections démocratiques, certains points d'introduction doivent être faits. Notre intention est très bref dans ces points pour éviter le ressassement et nous les mentionnons uniquement pour la référence la plus récente afin de discuter sur le corps du sujet de dispute concernant la permission de participer aux élections démocratiques. Tout d'abord, une brève explication de la démocratie et de son kufr inhérent ainsi que son shirk manifeste. Donc sa mécréance inhérente ainsi que son association manifeste. Pour les non-musulmans qui écoutent. Le mot démocratie vient des mots grecs démos qui signifie peuple et kratos qui signifie gouvernance. C'est un système où les gens se légifèrent eux-mêmes par les moyens de leurs représentants nommés, dans un conseil ou un parlement qui est établi dans le but d'exécuter les lois et les politiques qui reflètent les désirs de la majorité des gens de la région. Abdul Wahhab al-Kilali a dit que tous les systèmes démocratiques sont basés sur une idéologie qui est que l'autorité soit attribuée aux gens à qui appartient l'autorité. En conclusion, la démocratie est le principe de l'autorité des gens. C'est comme Abraham Lincoln qui dit: la loi du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc ainsi, c'est un système qui est en désaccord avec l'essence même du droit exclusif de la législation d'Allah, au point où il sort de la simple désobéissance envers Allah et rentre dans le royaume de l'association, car ce système élève l'humanité au degré du législateur. Allah le Très-Haut nous dit, sourate 13, verset 41, c'est Dieu qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. Et il est prompt à régler les comptes. Allah, l'exalté soit-il, dit, sourate 42, verset 21, ou bien aurait-il des associés à Dieu qui auraient établi pour eux des lois religieuses que Dieu n'a jamais permises? Et parce que les gens sont ceux qui choisissent les lois par les moyens de leurs représentants, ces lois sont basées sur la volonté du peuple et selon les désirs de la majorité. Au lieu de ce que Allah, l'exalté soit-il, a révélé dans la sourate 25, versets 43 à 44, ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore du sentier. Par conséquent, l'usurpation de ce droit par les hommes les rend comme de fausses divinités, at-tawarit, par lequel ils légifèrent des lois et jugent des affaires en opposition à la révélation d'Allah. Et c'est pour cette raison qu'Allah l'exalté a fait référence à toute personne ou système qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé comme étant un tawhid. Allah dans le Coran, sourate 4, verset 60, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la personne à qui l'on obéit dans la désobéissance à Allah, ou la personne à qui l'on obéit en suivant autre que la religion de la vérité, dans les deux cas, si ce qu'il ordonne aux hommes est en opposition aux ordres d'Allah, alors il est un tawhid. Et c'est pour cette raison que nous appelons celui qui juge avec autre que ce qu'Allah a révélé un tawhid. Dans le Majmu' al-Fatawa, volume 28, page 200. Et Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: donc le tawhid fait référence à toute personne qui juge avec autre que ce qu'Allah ou son messager juge. Cela s'appliquerait ainsi dans le cas où la personne adore une autre personne en dehors d'Allah, ou la suit sans observer Allah, ou bien elle lui obéit alors qu'elle n'est pas sûre que cette personne obéit à Allah. Donc tout cela sont les tawarites du monde. Et si vous les observez et regardez la condition des gens qui sont avec eux, vous constaterez que la plupart d'entre eux sont passés de l'adoration d'Allah à l'adoration du Tawhid, du jugement avec ce qu'Allah et son messager ont jugé au jugement du Tawhid, et de l'obéissance à Allah et à son messager à l'obéissance et au suivi du Tawhid. Dans Al-Mu'aqqiyin, volume 1, page 50, de Ibn al-Qayyim. Mohamed Amin al-Shanqiti, qui était, si je m'en souviens, un des professeurs du tafsir de Cheikh Salih Ibn al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: et avec ces textes divins que nous avons mentionnés, il nous apparaît clairement que ceux qui suivent les lois forgées, que le shaitan a rendues licites sur les langues de ses alliés, et qui s'oppose avec ce qu'Allah, le Tout-Puissant, le Très-Haut, a rendu licite sur les langues de ses messagers, que la paix soit sur eux, cela, personne ne doute de leur kufr et de leur shirk, de leur association, excepté ceux dont Allah a voilé la vue et a rendu aveugle. Et pour info, Cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti est une personne à qui on posait une question ou dans lequel on faisait mention d'un demi-verset pour qu'une fois les yeux fermés, il donnait l'après-verset, l'avant-verset et les plusieurs formes de tafsir, donc d'exégèse de ce même verset, donc dans le plan contextuel, dans le plan général et les différentes règles de tafsir, comme on peut le voir par exemple dans Al-Muqaddimah et d'autres. Donc c'était quelqu'un, masha'Allah, qui était très érudit dans cette science-là. Et qui donc cette parole-là de Mohamed Amin Shanqiti vient de son célèbre livre de chevet, et de chevet pour nous, surtout musulmans, d'en avoir comme chevet, parce que ce livre, Al-Bayan, est un livre qui est quand même un peu révolutionnaire, dans le sens où c'est le tafsir du Coran par le Coran. Donc d'habitude, dans l'ère orthodoxe, c'est plus l'explication du Coran par la Sunna, donc par les faits et dires du prophète, salam. Mais voilà, Mohamed Amin Shanqiti a un peu révolutionné cette forme d'exégèse en prenant le verset du Coran par le Coran. Donc dans Al-Bayan, volume 4, page 82-85. Et parce que la plupart des musulmans du comité religieux sont conscients du fait que leur but fondamental de la démocratie est de juger les masses en se basant sur les désirs de la majorité d'entre eux, et ceci est contraire à la révélation d'Allah, nous n'avons pas besoin de passer plus de temps à expliquer le coufre de ce système en général. 1. Si le lecteur n'est pas suffisamment convaincu, alors je lui recommande de lire un texte ou un livre plus simple et plus compréhensible traitant du jugement islamique sur la démocratie. Car notre but ici est d'adresser spécifiquement ce problème aux participants des élections démocratiques et non de creuser le sujet en détail plus complexe sur le système entier de la démocratie. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet ouvrage, car le but n'est pas de rentrer vraiment en détail d'une façon méticuleuse, mais d'exposer, si vous voulez, de relater cela, de résumer cela, avec, Inch'Allah, une codification de plusieurs avis de chouyour, anciens comme contemporains. Et surtout, les contemporains sont importants parce qu'ils sont proches aussi de la réalité même de la démocratie telle qu'elle est appliquée actuellement, de son mécanisme, et ainsi de suite. Le procédé électoral et ce qu'il implique sur les électeurs. Le système de la démocratie dépend de la participation des gens aux élections pour qu'ils puissent clarifier quels sont les candidats qui vont les représenter dans les conseils et les parlements. Ce procédé électoral est aussi essentiel dans la détermination de la partie du gouvernement, du président ou du premier ministre du pays. Car ce système est fondé sur le choix des chefs par le peuple pour légiférer des lois et exécuter les politiques en son nom. Le procédé démocratique entier ne pouvait pas exister sans élection. S'il n'y avait pas la participation des gens dans le procédé électoral, la démocratie n'aurait pas pu être exécutée, car il n'y aurait personne pour voter pour les candidats. Et par conséquent, il n'y aurait pas de membres élus au Parlement pour agir au nom des gens dans la législation et la politique du gouvernement. Entre préambule, bien sûr, officiellement, officieusement, allez savoir s'ils prennent vraiment en compte les votes. Hein. Moi, personnellement, je fais partie, si vous voulez, un peu de l'école Guénon et autres, qui sont convaincus que voilà, les oligarques ont déjà planifié tout à l'avance. On sait exactement qui va entrer au Parlement et qui va en sortir. Mais comme je vous ai dit, et comme, enfin, je vous ai dit, je suis personne, mais comme nous le rappellent les grands mashayikh, les grands savants, le plus important c'est la véracité du cœur. Donc pour vous avant tout, c'est aussi simple que ça. Pour vous avant tout, même si ce système est illusoire et n'est pas appliqué dans la réalité, sans désavouer. De toute façon, applicable ou pas, il est désavouable pour l'islam. Abdel Wahab El-Kilali dit, cela veut dire que les gens à qui l'autorité appartient ne pratiquent pas l'autorité de légiférer eux-mêmes, mais plutôt ils accordent aux membres du Parlement qu'ils ont élus pour une certaine durée et qu'ils ont nommés afin de les représenter dans la pratique de cette autorité. Dans Ma'souat As-Siyasa, volume 2, page 757, d'Abdel Wahab El-Kilali. Shir Abu Basir Mustafa Harima a dit, Premièrement, la démocratie est fondée sur le principe. Les gens sont la source du pouvoir. Et ce qui est inclus dans cela est le pouvoir de législation et ce qui prend place en élisant les représentants pour la population générale, et qui prend sa place dans le devoir de la législation et de la création des lois. En d'autres termes, le législateur est celui qui est obéi dans la démocratie est l'homme et non Allah, l'exalté soit-il. Et cela veut dire que celui qui est adoré et obéi en matière de législation, de permission et d'interdiction est le peuple. L'homme est la création et non Allah le Très-Haut. Et ceci est l'essence même du kufr. L'essence même du kufr, du shirk et de l'égarement. En raison de sa contradiction avec les fondements de la religion et de son tawhid, de son unicité. Et cela se termine par l'association du faible, de l'homme ignorant, avec Allah dans son unique caractéristique, l'adoration dévouée, qui est le fait de gouverner et de légiférer. Hukm al-Islam fi al-Démocratie, page 28 de Sheikh Abou Basir. La réalité est donc que ces membres du Parlement qui agissent sur la volonté de la majorité qui prennent leur place pour légiférer des lois, etc., peuvent seulement le faire lorsque le peuple les élit pour agir ainsi. Et si nous concluons que ces membres du Parlement commettent du shirk et du kufr en légiférant des lois en dehors d'Allah, alors que dire des gens qui les élisent pour ce travail, en sachant que ces candidats seront engagés dans la fabrication des lois forgées au nom du peuple qui les élit? Et Cheikh Abdelkader Ibn Abdelaziz dit: quant à ceux parmi les gens qui votent pour eux, c'est-à-dire pour les membres du Parlement, ils commettent du kufr aussi, car selon la démocratie, les électeurs en réalité les délèguent pour pratiquer l'autorité du shirk. Légiférer en dehors d'Allah, en leur nom, et donc les électeurs donnent aux membres du Parlement le droit de faire du shirk, et les établissent à travers leur vote, comme seigneurs légiférant en dehors d'Allah. En préambule, ce sont des règles généraux. Ça ne veut pas dire que directement le tekfir est directement lancé vers celui qui vote. C'est une règle générale et comme je l'ai dit au début, dans l'introduction, il y a des cas par cas une fois que la règle est établie. Donc ce n'est pas directement le tekfir qui est lancé pour celui qui vote car il y a une distinction entre l'ignorance du shirk qui n'existe pas. Et la preuve de cela, les preuves de cela sont multiples, dont une, par exemple, dans Sourate At-Tawbah, versets 65 et 66. Quand Ibn Taymiyyah ou bien Al-Mujahid ou Ibn Jarir, par exemple, explique ce verset concernant le fait de s'être moqué d'Allah et de ses messagers, le groupe de Sahaba qui ont ri à la blague des deux hypocrites sont sortis de l'islam malgré qu'ils ignoraient que cela était du kufr. Donc l'excuse de l'ignorance du kufr, du shirk en lui-même, c'est une règle dont les juristes, les fuqaha ont été clairs par rapport à ça, les mufassirin ont été clairs par rapport à ça, et l'excuse de la situation, qui est totalement différente. Donc il y a tellement de choses à prendre en compte, Inch'Allah. Donc on n'est pas si vous voulez, des Lucky Luke de l'anathème, du tekfir, mais ce sont des règles généraux et ça doit faire booster les gens, ça doit quand même faire frémir leur cœur parce que ça parle de religion, ça parle d'islamité, c'est quelque chose qui est important. Il y a des annulatifs en islam, qu'on le veuille ou non, ni rentrer dans le laxisme, si vous voulez, la religion du hippie, et ni rentrer dans l'extrémisme, le radicalisme, et ne pas et enfreindre les chaînons de ce qu'on appelle al-ma'awani al-takfir, les empêchements de l'anathème, et le sifat al-takfir, leurs conditions, et tout braver en faisant une confusion énorme qui donne ce qu'on appelle al-khurat, les gens qui exagèrent, les radicales, les extrémistes par rapport à ça. L'islam, c'est une religion du juste milieu, mais en même temps, il y a des annulatifs, il y a des choses qui peuvent nous faire sortir de l'islam. Donc, la suite du Cheikh Abdelkader ibn Abdelaziz, il cite ensuite le verset qui est dans Sourate El Imran, verset 80. Verset 80, donc Sourate El Imran, verset 80, et il ne va pas vous recommander de prendre pour seigneur ange et prophète. Vous commandera-t-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Donc, si une personne qui prend les anges et les prophètes comme seigneur devient kafir, que dire alors de la personne qui prend les membres du parlement comme seigneur? De même, cela est sous-entendu dans sa parole, dans sourate Al-Imran, toujours la même sourate, verset 64, dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer et que nous ne nous prenions point les uns et les autres pour seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous, nous sommes soumis. Par conséquent, prendre des gens comme seigneur en dehors d'Allah et du shirk et de la mécréance en Allah, et c'est ce que font ceux qui votent pour les membres du Parlement. Extrait du livre El-Jami fit Taleb, tome 1, page 151-152 du Cheikh Abdelkader ibn Abdelaziz. Et cet acte tombe dans la description de la règle bien connue, soutenir le kufr et du kufr. Car celui qui aide ou qui permet aux gens de commettre du shirk ou du kufr en connaissance de cause, donc il n'y a pas d'ignorance de la situation de la cause, rentre dans le même jugement de celui qui commet du shirk ou du kufr lui-même. Et cette règle est en accord avec ce que Allah le Très-Haut a dit concernant ceux qui restent présents alors que ces versets sont pris en raillerie. Sourate An-Nisa, verset 140. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran de Dieu, et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Dieu rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tout dans l'enfer. Et Shawkani dit sa parole. Sinon, vous serez comme eux, en d'autres termes, si vous faites cela et que vous ne les empêchez pas, alors vous êtes comme eux dans le coufre. Fath al-Qadir, volume 1, page 527 de Shawkani. Et Cheikh Sulayman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le sens de ce verset est comme il apparaît. Cela signifie que si un homme entend des gens mécroire au verset d'Allah ou des gens qui s'en moquent et il s'assoit, excusez-moi, parmi eux sans être sous la contrainte, ne les empêche pas et ne les quitte pas jusqu'à ce qu'ils parlent d'un autre sujet, alors il est un kafir comme eux, il est un négateur comme eux, même s'il ne prend pas part à cet acte. Car cela indique sa satisfaction au kofr. Ça rentre dans une forme d'istihlal et être satisfait du kufr et du kufr. Avec ces versets et d'autres qui vont dans le même sens, les savants ont démontré que celui qui est satisfait du péché est comme celui qui le commet, est comme celui qui le commet, et s'il dit qu'il le déteste dans son cœur, sa parole n'est pas acceptée, car les jugements sont sur les apparences. Et il a montré du kufr, par conséquent, il est négateur. Et cette parole provient de Majmu' al-Tawhid, page 48, de Mohamed ibn Abdel Wahhab. Donc celui qui reste présent lors du kufr commis ne s'en va pas et n'essaye pas d'empêcher cela, c'est la même règle qui s'applique sur lui que celui qui commet le kufr. Que dire donc de celui qui soutient et permet le kufr et le shirk en élisant un candidat en son nom afin de légiférer des lois pour la création autre que les lois de la charia d'Allah? Et il faut garder en tête que ces votes sont la seule méthode par laquelle ce membre du Parlement pourra agir ainsi, dans ce qui est apparent. Après les coulisses, comme j'ai dit en introduction, c'est autre chose. Mais de toute façon, le socle est là. Car sans le support électoral des électeurs, il ne sera pas dans la position de commettre ce kufr et ce shirk en premier lieu. Donc dans ce cas, les électeurs permettent et soutiennent ceux-là qui commettent le kufr et le shirk, et ils ne font pas simplement partie de ceux qui s'assoient silencieusement pendant que les versets d'Allah sont pris en raillerie. Une fois que vous faites le lien entre le rôle des électeurs durant les élections et la mécréance et l'association qui s'ensuit, qui est commis par les membres du Parlement lorsqu'ils sont élus, il n'y a alors plus de place au doute. Et quelle est la différence entre ceux qui élisent ces individus comme seigneurs en dehors d'Allah afin de légiférer le licite et l'illicite, pour eux et ceux qui prennent le soleil ou la lune comme seigneur en dehors d'Allah pour qu'ils leur fournissent de l'aide et des provisions. Par Allah, le jugement sur eux est le même. Et si je peux me permettre, Mohamed Amin al-Shanqiti avait fait l'analogie suivante. Il avait dit que celui qui associe Allah dans l'ordre dans l'adoration, en tout simplement sacrifiant pour autre qu'Allah, en invoquant pour autre qu'Allah, en se prosternant devant une statue, en invoquant cette même statue, est similaire à celui qui fait de l'association dans l'ordre du jugement, donc qui établit d'autres lois, si vous voulez. Et aussi pour rebondir par rapport au premier paragraphe cité, c'est que même si certains sont convaincus que les votes ne sont pas pris en compte et que peut-être qu'en votant ils n'élisent pas, si vous voulez, ça fait partie de ce qu'on appelle l'amal, c'est l'actionnement. C'est-à-dire que même si il est convaincu ou pas convaincu, là n'est pas le problème. C'est le fait que le socle est présenté comme étant un socle qui a une structure démocratique, une structure étatique démocratique. Donc qu'elle soit applicable ou non dans la réalité ou non, nous on juge sur ce qui est apparent et c'est ce qu'ils nous vendent eux. C'est quoi? C'est tout simplement son bon fonctionnement. C'est ce qu'ils sont en train de nous vendre. Nous, on n'est pas des inspecteurs d'Eric qui a commencé à enquêter dans les coulisses et dans les loges franc-maçonnes, etc. On sait, certes, que les oligarques sont derrière tout ça. Pour ma part, je suis convaincu que nos votes ne sont pas pris en compte. Et c'est justement une raison de plus pour pas participer à leur mascarade. Mais le plus important est d'être convaincu que le street. Une structure étatique autre que la loi d'Allah est impie, est illicite islamiquement parlant. Donc que ce soit les parlements qui sont à l'intérieur, que ce soit les personnes qui votent pour eux, on n'a rien à faire là-dedans. Les soumis à Allah, l'exalté soit-il, n'ont rien à faire dans ce carcan, n'ont rien à faire là-dedans. Point suivant. Réfutation des doutes reliés à la participation des élections démocratiques. Ceux qui permettent la participation aux élections démocratiques sont de degrés différents dans l'égarement. Il y en a qui croient ouvertement que la démocratie est un système de gouvernement acceptable. Et ceux-là sont les plus extrêmes. Et ensuite, il y a les autres qui permettent uniquement cette participation en se basant sur certaines incompréhensions et sur certains doutes que nous allons démontrer ici. Premièrement, la participation du prophète Youssouf alayhi salam paix sur lui en tant que ministre dans le gouvernement du roi d'Égypte. Allah le Très-Haut, Allah l'exalté soit-il, dans sourate Youssouf, verset 54-56, dit: Et le roi dit: Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Et lorsqu'il l'eut parlé, il dit: Tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. Et Youssouf dit: Assigne-moi les dépôts de territoire, je suis bon gardien de connaisseurs. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Youssouf dans ce territoire, et il s'y installait là où il voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Donc ceux qui utilisent l'exemple de Youssouf, paix sur lui, l'utilisent pour montrer qu'il s'est établi dans le gouvernement du roi. Et il conclut en se basant sur cela qu'il est permis de voter pour le candidat le moins pire, pour que le mal soit moindre, qui deviendra un membre du Parlement pour agir en leur nom. Et ceux qui utilisent cela comme preuve n'ont sûrement pas vu ce que Youssouf, paix sur lui, alayhi salam, a dit à ses compagnons de prison avant de prendre cette position. Sourate Youssouf, verset 40. Le pouvoir n'appartient qu'à Dieu. Il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Comment pouvons-nous donc dire à propos de Youssouf alayhi salam qu'il voulait aboutir à un compromis et coopérer dans un gouvernement avec ceux qui légifèrent des lois forgées, alors qu'il était celui qui conseillait les autres concernant cette affaire, en disant: le hukm lillah n'appartient qu'à Allah. Premièrement, ceux qui utilisent cet exemple ont besoin d'apporter des preuves pour approuver leur affirmation que la loi de ce gouvernement n'était pas en accord avec la charia de Youssouf. Et il n'y a rien qui indique cela dans l'exemple en lui-même, mais plutôt il a été rapporté que le roi dont Youssouf est devenu un ministre de son royaume est devenu musulman. Même si certains prônent cette divergence ou pas, certains disent non, les preuves qui relatent le fait que ce roi s'est converti à l'islam qui n'est pas dans le sens codifié, parce qu'à cette époque-là, il y avait des choses qui n'étaient pas codifiées, comme codifié le prophète sallam, Allah par le sabab du prophète sallam, la soumission, donc le fait d'être musulman monothéiste, hein. Et en même temps, il y avait des choses, même si de toute façon, même ceux qui prennent le cas de Yusuf alayhi salam, il y avait des choses qui rentraient dans l'ordre de la permission, mais qui ont été abolies et codifiées à l'époque du prophète alayhi salam. Comme par exemple le fait de se prosterner, tous les frères de Yusuf alayhi salam s'étaient prosternés devant lui parce que c'était un signe de courtoisie. Comprenez? Ou bien à l'époque d'autres prophètes, le vin était permis à certaines doses, le vin était permis. Ce qui veut dire que certains vont chercher des exemples où la charia était certes similaire dans le socle, mais de par ce cheminement et de par ses découlements, elle avait des différences. C'est pour ça que l'islam, sa codification par le sabab, par la cause du sceau des prophètes, a été codifiée et interdite. Un des exemples, c'était Mu'ad ibn Jabal. Ibn Jabal, si je me rappelle bien, qui était revenu en voulant se prosterner devant le prophète alayhi salam, et celui-ci l'a interdit, l'a réprimandé en lui disant que c'est une pratique qui a été abolie. Donc en même temps, prendre pour essayer de légitimer une chose, pour essayer de légitimer la démocratie, prendre des cas de certains prophètes et en même temps essayer de toujours jouer sur si vous voulez la tiraille de l'interprétation fiable et non fiable. Une règle de fiqh, de jurisprudence, est claire: quand il y a un doute sur un sujet, éloignez-vous de ce sujet. Donc en même temps, il y a des preuves qui montrent clairement que le roi s'est converti, il y a des preuves qui montrent que la charia à l'époque de Yusuf alayhi salam n'était pas contre les donc la loi qui était appliquée par le roi n'était pas contre la charia qui était approuvée par le prophète Yusuf alayhi salam. Il y a plusieurs mots faciles par rapport à ça. Il y a le fait aussi que certains vont très loin, donc chercher les exemples de Yusuf alayhi salam pour essayer de légitimer des choses, et en taclant la codification islamique et toutes les preuves qui sont là, en taclant les moufassilines orthodoxes, anciens comme contemporains, sur ce cas précis, je veux dire ce qu'on appelle le shirk al-hakimiyya. Donc ils vont chercher, mais vraiment chercher, si vous voulez, dans tous les tiroirs, et limite dire fiable, non fiable, que quand ça les arrange, et faire preuve d'un certain rationalisme, et de rejeter certaines choses quand ça va contre leur intérêt mondain pour d'autres, et comme je donne le bon soupçon, pour leur mal compréhension ou erreur historico-politique, ou voire erreur qui rentre tout simplement dans l'ignorance de la situation, de la réalité, et des coulisses, et des facteurs importants concernant ce sujet en tout cas. Donc, Ibn Jarir al-Tabari a rapporté que Mujahid a dit: le roi avec qui était Yusuf est entré en islam. Dans Jami al-Bayan, volume 9, page 217. Et al-Baghawi a dit: Mujahid et les autres ont dit: Yusuf, paix sur lui, n'a pas arrêté d'appeler le roi à l'islam en étant bon envers lui jusqu'à ce qu'il soit entré en islam, ainsi que de nombreuses personnes du peuple. Et aussi, il a été rapporté que Yusuf était le gouverneur lui-même, et ses devoirs en tant que ministre étaient aussi de gouverner l'Égypte. En même temps, voilà, on rentre aussi dans le doute, parce qu'à l'époque, la hiérarchie dans le plan ministériel, pas le même que maintenant, l'oligarchie actuelle n'est pas la même qu'à l'époque, etc., etc. Donc si vous voulez, pour essayer de légitimer leurs choses, leur opinion, ils rentrent vraiment dans, si vous voulez, dans des fonds de tiroirs, alors que, voilà, les choses sont concrètes. Et quand il y a un doute, il faut s'éloigner de cette chose. On sait que l'association vers Allah est multiple. Elle ne rentre pas seulement dans l'ordre de l'adoration. On peut associer dans l'ordre du jugement. Et c'est assez clair, si vous voulez, de façon basique. Dans le socle argumentatif, c'est quelque chose qui est assez clair. Donc, pourquoi aller chercher dans des fonds de tiroirs et ainsi de suite? Enfin, soit. Ibn Jarir al-Tabari a rapporté de As-Soudi que le roi a employé Yusuf sur l'Égypte, et il était la personne de l'autorité, et il supervisait aussi les achats et le commerce et toutes ses affaires. Donc c'était le sens de sa parole. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Yusuf dans ce territoire, et il s'y installait là où il voulait. Ce qui est tout à fait le contraire des pantins députés ministres actuels, hein, qui n'ont pas vraiment d'autorité. Si vous voulez, ils servent plus de recélère quelque part, c'est plus des appâts, c'est plus pour être là, si vous voulez, c'est plus pour être un corps physique soumis et capé par les oligarques. Hein? Il a aussi rapporté de Ibn Zayd concernant sa parole, et il s'y installait là où il voulait. Il a dit, nous lui avons donné l'autorité sur tout ce qui était en Égypte, n'importe où il voulait, de cet endroit, et il faisait ce qu'il voulait. Cela lui a été accordé. Alors Qurtubi a rapporté d'Ibn al-Abbas, cousin du prophète, qui a reçu une invocation pour avoir une très bonne explication du Coran, contextuel et général, qui a dit concernant Youssouf, il s'est assis sur son lit. Le roi est allé vers lui, et le roi est entré chez lui avec ses femmes, et l'autorité de l'Égypte lui a été accordée. Alors Qurtubi a dit, et lorsque le roi donna l'autorité de l'Égypte à Youssouf, il fut généreux envers le peuple et les appela à l'islam jusqu'à ce qu'ils crurent en lui, et il établit la justice parmi eux. Les hommes et les femmes l'aimaient donc. Il a été rapporté de Wahb al-Soudi, Ibn al-Abbas et d'autres, la parole du roi à Youssouf lorsqu'il vit sa sagesse entière dans le fait d'exécuter le gouvernement et de répandre la justice. Je te donne l'autorité, fais donc ce que tu souhaites. Quant à nous, nous sommes simplement vos suiveurs, et je ne suis pas de ceux qui refusent d'être soumis à toi et de t'obéir, et je ne suis pas supérieur à tes sujets. Ahkam al-Qur'an, volume 9, page 215 de Al-Qurtubi. Si ceci est une probabilité, que le roi soit entré en islam, et le fait de le citer en tant que preuve est douteux, alors il ne serait pas correct de l'utiliser en raison du principe. Si la probabilité survient, son utilisation comme preuve tombe, ce qui est une règle juridique. La probabilité survient, son utilisation comme preuve tombe. De plus, la législation de ceux qui étaient avant nous est une législation pour nous, selon la majorité des ossoliens, des fondamentalistes. Seulement si cela ne contredit pas notre législation. Et si l'on devait supposer pour cet argument que Youssouf n'ait pas suivi sa propre charia, donc son propre système de loi, enfin, la loi donnée par Allah Azawajal que Youssouf alayhi salam doit suivre, alors nous disons, s'il serait en vie aujourd'hui, il n'aurait pas de choix que de suivre ce qui a été révélé à Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux autres nombreuses incompréhensions, beaucoup d'entre elles sont centrées sur l'application des règles spécifiques connues de la jurisprudence dans le fiqh islamique. Voir par exemple Char al-Qawaid al-Fiqhiyya de Ahmed Zarqa, règle 25 et règle 28. Explication des règles juridiques de Ahmed Zarqa. Point suivant. La règle entre les deux mâles, nous choisissons le moins pire. Donc la règle entre les deux mâles, nous choisissons le moins pire. Quant à cette règle, ceux qui permettent la participation aux élections l'utilisent pour insinuer que dans le fait de voter pour le candidat qui a la politique la moins pire, dans sa position envers l'islam, c'est le choix du mal le moins pire. Pourtant, ils disent que le choix entre ne pas voter du tout et permettre au candidat le moins pire de dominer est un mal plus grand que de voter pour une autre personne, qu'ils ont l'intention d'élire dû au fait que sa politique soit proche de l'islam. Comme avec beaucoup de règles de jurisprudence islamique, les gens mentionnent souvent une règle correcte et ensuite ne l'appliquent pas comme il le faut ou alors ils l'appliquent dans des circonstances où elle ne s'applique pas. L'erreur de ceux qui utilisent cette règle est le fait qu'elle puisse seulement s'appliquer lorsque les choix sont inévitables. Un exemple, lorsque quelqu'un face à deux choix qui sont totalement inévitables, les deux choix sont illicites. Donc si une personne se trouve dans cette situation où elle est forcée de choisir entre les deux, le moins pire des deux doit être choisi. Comme un frère l'a dit, lorsque quelqu'un essaye d'appliquer ce principe dans cette situation, c'est comme s'il buvait de l'alcool dans le scénario suivant. Une personne invite une autre personne chez lui. Il lui offre deux verres d'alcool, l'un avec 50% d'alcool et l'autre avec 25% d'alcool. Il choisit le verre qui contient la quantité la plus faible d'alcool. Quant à la participation à ces élections démocratiques, il n'y a aucune contrainte, quelle qu'elle soit. Il ne peut donc y avoir aucune excuse pour commettre ce shirk en utilisant la règle du moins pire des deux. Mais plutôt nous disons que le fait de choisir de commettre un acte de shirk, envoyer quelqu'un pour juger avec les lois forgées au lieu de la charia d'Allah, est un mal bien pire que le fait de s'abstenir de voter dans ce système orienté. Donc en réalité, ça serait comme la personne qui choisit le verre avec 50% d'alcool par rapport à celui de 25%. La règle qui consiste à dire nous tirons bénéfice de ce mal, cette règle est la même que la précédente. Ceux qui utilisent cette règle pour permettre la participation aux élections démocratiques disent que les bénéfices qui conduisent à l'élection d'un candidat qui a la politique la moins pire pour les musulmans l'emportent sur le mal des autres candidats, dont leurs politiques sont plus menaçantes pour eux. Premièrement, les bénéfices prétendus d'élire un candidat dans les élections démocratiques, alors que c'est du shirk, comme nous l'avons vu, ne permettent pas l'encouragement de cet acte. Ceci parce que celui qui participe à cet acte cherche en réalité un profit venant d'Allah en violant le caractère sacré de son tawhid. Dans le reproche de la lettre ouverte à George Bush, de Dr. Safar Al-Hawari, Cheikh Abou Bassir Mustafa Harima a dit concernant le fait que Al-Hawari a dit qu'il a encouragé les musulmans des États-Unis à voter pour le président Bush. Je dis, les paroles du Cheikh, c'est-à-dire Safar Al-Hawari, ici sont faux. Donc c'est Abou Bassir qui parle, et non acceptées pour diverses raisons. Parmi elles, c'était une erreur pour lui d'encourager les musulmans à participer au jeu de la démocratie qui se trouve en Amérique et qui prend place à cause d'erreurs dans le credo, c'est-à-dire la aqida, le dogme, et dans la sharia, et qui ne peut être excusé que les bénéfices prétendus soient nombreux ou non. Donc que dire d'ici lorsque cela contredit les fondements de la sharia et de ses sujets généraux, comme nous l'avons clarifié dans de nombreux endroits à travers notre compilé. Waqafat ma Cheikh Safar, page 18. Et même si nous devions admettre qu'il y ait des intérêts dans la participation des élections démocratiques, cela ne rend toujours pas l'acte permis, car Allah le Très-Haut nous dit dans Surat al-Baqarah, Surat al-Avash, verset 219: il t'interroge sur le vin et les jeux du hasard, dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et en plus de cela, Allah dans le Coran dit, dans Surat Al-Ma'ida, verset 90, verset 90, Surat la table servie: oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Dans son tafsir, Ibn Kathir dit concernant le premier verset: quant à leur avantage, c'est-à-dire à l'alcool et au jeu du hasard, c'est un avantage matériel incluant l'avantage pour le corps, le fait de digérer la nourriture, de se débarrasser des excréments, d'affiler l'esprit, d'apporter une sensation joyeuse, et un avantage financier dans leur vente. Et aussi, leur avantage inclut des intérêts à travers les jeux de hasard que l'on utilise pour les dépenses de sa famille et de soi-même. Pourtant, ces avantages sont moins importants que le mal qu'ils causent et qui affecte l'esprit de la religion. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran: mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Tafsir du Coran d'Ibn Kathir, tome 1, page 345. Et de même, même si nous devrions admettre qu'il puisse y avoir un avantage dans la participation des élections démocratiques, le mal sur la religion d'une personne qui commet cet acte de shirk en envoyant quelqu'un légiférer des lois en dehors d'Allah est plus grand sur sa religion et sa foi que tous les avantages possibles. Et nous disons avec toute certitude que le shirk est beaucoup plus néfaste pour le serviteur que toutes les boissons enivrantes et que tous les jeux de hasard et ses effets. Et ses effets sont plus lourds. Donc là, il y a deux choses à prendre en considération. La première, c'est par rapport à ceux qui disent le moindre mal, donc pour contester, pour contre-attaquer telle personne qu'on considère comme la plus éloignée de l'islam, on va voter pour le moins pire. Déjà, beaucoup prête à confusion, parce que la plupart des, entre guillemets, des prédicateurs qui sont de cet avis-là, dans le paysage francophone, bien dans le paysage aussi américain, ont souvent, si vous voulez, des lacunes concernant, si vous voulez, les moindres recoins intérieurs du domicile démocratique et de ses coulisses, parce que souvent, quand ils pensent voter pour le moins pire, des fois, c'est exactement le plus pire. Donc, si vous voulez, il y a une certaine ignorance d'un point de vue géopolitique, comme un certain prédicateur dont je tairai le nom, qui avait appelé directement, indirectement, à voter pour François Hollande lors des élections précédentes en France. Alors que François Hollande ne fait plus de mal à l'islam à l'échelle internationale que d'autres, pour pas citer son nom, qu'une certaine autre personne qui aurait pu faire du mal dans le sens national. C'est-à-dire que même quand ils essaient de rentrer dans ces analogies, dans ces efforts de compréhension géopolitique, pour essayer de désigner le moins pire, même là, ils font une erreur. Et ensuite, ce qui est à prendre aussi en considération, c'est que même malgré les avantages du vin et des jeux de hasard, du vin qui peut rendre joyeux, etc., etc., et la vente qui peut ramener beaucoup, et en même temps, pareil pour les jeux de hasard, etc. Une fois que c'est rentré dans le carcan commercialisé, dans le carcan de la vente, il y a des avantages. Mais Allah l'interdit, tout simplement. Pourquoi? Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et en même temps, il y a la règle qu'on apprend au sourd tafsir, dans les règles de l'exégèse, qui est tout simplement de prendre al-manat ou al-hikma, la cause et la sagesse du verset. Donc tout cela est clair. Donc que dire alors que quand c'est quelque chose qui rentre dans le shirk, parce que ceux qui sont de cet avis-là, par exemple, et qui disent de voter pour le moins pire, mais en même temps, il y a certaines, si vous voulez, parce que certaines fatwas viennent d'Arabie ou d'autres, certains savants, qui permettent cela, il y a aussi, si vous voulez, il peut avoir une ignorance des coulisses et du fonctionnement démocratique tel qu'il est en Occident, et notamment en Belgique ou en France, eh bien. En permettant tout simplement cela, à la base, ils sont tous convaincus que le socle en lui-même de la démocratie est du shirk et du kofr. Donc ça veut dire même si vous voulez, les savants salafis chéristes, entre guillemets, eux-mêmes reconnaissent que la démocratie est impie parce qu'elle concurrence indirectement Allah dans la sphère législative. Mais en reconnaissant quand même que c'est du kofr, certains permettent, et alhamdoulilah, des grands savants sont là parce que nous, on est seulement des rapporteurs. On écoute les savants, et alhamdoulilah, des grands savants étaient là pour réfuter et remettre en place cette notion qui est erronée, aussi bien dans le plan théologique et que dans le plan, si vous voulez, historico-politique et géopolitique, pour bien sûr, pour ceux qui essayent de jouer les adeptes de la géopolitique en donnant des faux noms ou des fausses orientations pour Zama. Engendrer et donner le ticket, cachetiser ce qu'ils considèrent eux comme étant le moindre mal. Enfin, soit. Donc, dans tous les cas, si vous voulez, non. Tout simplement, pire ou moins pire. De toute façon, voilà. Ceux qui font partie de l'école, de ceux qui sont convaincus que les oligarques mettent tout en place, que voter ou non, tout est déjà fait, si vous voulez. Tout est déjà préparé à l'avance. Voilà. Donc, déjà, voter pour rien. Mais le plus important, comme je le répète souvent, c'est déjà pour la véracité de son cœur. Qu'on vote que le vote soit pris en compte ou pas en compte, on s'en fout. On n'a pas rentré là-dedans, on doit s'en écarter, tout simplement. Et attention, la vie politique, donc le politique en lui-même, ne tacle pas le social. Peut vivre socialement, mais loin de cette politique. Règle suivante, les actes sont basés sur les intentions. Ceux qui appliquent ce principe disent que tant que l'intention est de réduire l'oppression envers les musulmans, ou de leur apporter de l'aide, du soulagement ou d'autres choses de cette nature, alors l'acte devient permis. Et ils disent que tant que l'intention dans la participation des élections démocratiques n'est pas de commettre un quelconque mal et que la seule intention est d'apporter le bien, alors cela permet l'acte et le rend loué. Et nous disons que cette erreur dans la pensée logique n'est pas dominante dans le sujet que nous sommes en train d'adresser, mais elle est imprégnée aussi dans d'autres sujets qui sont importants. Par conséquent, nous allons y apporter quelques détails, inshallah, par rapport au fait que les actes ne valent que par l'intention, etc. Le premier point à savoir est que les péchés ne s'arrêtent pas d'être néfastes en raison de l'intention de celui qui les commet. Abu Hamed al-Khazari, qu'Allah lui fasse miséricorde, grand ascète, grand savant de l'islam, a dit: les péchés, ils ne changent pas leur nature en fonction de l'intention. Donc l'ignorant doit le comprendre parmi la généralité de sa parole, que la paix soit sur lui. Les actes sont basés sur les intentions. Ensuite, sache qu'un péché ne peut devenir une obéissance par une bonne intention. Exemple, une personne qui se venge d'un homme pour satisfaire le cœur de quelqu'un d'autre, qui nourrit une personne dans le besoin avec l'argent d'un autre, ou bien qui construit une école, une mosquée ou un camp militaire avec de l'argent illicite, alors que son intention est de faire le bien, tout ceci est de l'ignorance. Et l'intention n'a aucun effet pour dire que cela ne soit pas une transgression, un méfait et un péché. En effet, son intention de faire le bien avec des moyens illicites, ce qui est contraire à la charia d'Allah, est un autre mal. Donc, s'il est conscient de ses moyens illicites, alors il est obstiné en ce qui concerne la charia d'Allah. Mais s'il est ignorant, alors il est pécheur pour avoir été ignorant. Car la recherche de la science est obligatoire pour tout musulman. De plus, puisque les bonnes choses ne peuvent être connues que par la charia d'Allah, comment donc un mal peut être un bien? Cela est certainement impossible. En fait, les choses qui causent cela dans le cœur sont des plaisirs cachés et les désirs intérieurs. On reconnaît un peu là la plume de Al-Ghazali, masha'Allah. Ensuite, il dit, ce qui est sous-entendu est que quiconque par ignorance a l'intention de faire le bien par un moyen illicite. Et il ne sera pas excusé, à moins qu'il soit nouveau dans l'islam et qu'il n'ait pas le temps d'acquérir la science. Et Allah le Très-Haut dit dans Sourate An-Nahl, verset 43, nous avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens de rappel si vous ne savez pas. Et il, Al-Ghazali, dit aussi, par conséquent, sa parole, paix sur lui, les actes sont basés sur les intentions, est restreinte, puisque les trois catégories sont concernées aux obéissances et aux choses permises, c'est-à-dire un moubahat, mais pas pour les péchés. Ceci parce qu'une obéissance peut se tourner en un péché par la mauvaise intention. Et aussi l'acte permis, c'est-à-dire un moubah, peut devenir soit un péché, soit une obéissance en fonction de l'intention. Et contrairement à cela, un péché ne peut jamais devenir une obéissance en fonction de l'intention. Oui, l'intention peut intervenir dans le péché, et ceci lorsque d'autres mauvaises intentions y sont ajoutées. Et c'est ce qui augmenterait sa charge ainsi que son mauvais résultat, comme nous l'avons mentionné dans le livre du repentir. Dans Kitab Ihya Ulum ad-Din, volume 4, page 388 à 391. Et en préambule, si aussi je peux rajouter la bonne intention aussi, donc pour complémenter cet extrait, enfin, un modeste complément, l'intention ne fait pas tout. Si on prend par exemple un cas historico-islamique, à l'époque des Khawarij, à l'époque de la fitna entre Muawiya et Ali ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée, on avait envoyé Ibn Abbas débattre avec les Khawarij, les milliers de Khawarij, les sorteurs qui étaient là, les extrémistes. Et Ibn Abbas a témoigné qu'en voyant ces gens-là, de façon apparente, donc en jugeant l'apparence et en jugeant les actes si vous voulez, l'enveloppe corporelle, il était subjugué par le fait que c'était des gens, si vous voulez, qui appliquaient les actes d'adoration, mais avec une intensité qu'il ne voyait même pas chez les Sahaba qui étaient de son côté. Donc Ibn Abbas, le cousin du prophète, il voyait des taches, même de sang, sur les genoux, parce qu'à un moment donné, l'Awra, on ne la voyait pas, mais à un moment donné, il relevait pour les ablutions, etc. Il voyait des taches de sang, à force que ces Khawarij-là faisaient que des actes surérogatoires. C'était des gens qui avaient une pratique intense. Pourtant, leur intention ne leur a pas suffi. Pourquoi? Parce qu'ils ont été qualifiés de chiens de l'enfer par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple dans le Sahih Muslim, tome 1, chapitre 4, troisième paragraphe, quand on voit la définition des Khawarij, l'homme qui avait dit Allah, qui avait dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, craint Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de cet homme viendra des gens qui rendront licite le sang des musulmans, qui sortiront les gens aussi rapides qu'une flèche sort d'un arc, etc. Et dans d'autres versions, et il est dit que viendra de cet homme donc les khawarij, et il les a qualifiés comme étant klubnar, les chiens de l'enfer. Donc leur acte était encore plus, si vous voulez, à terme quantitatif, élevé par rapport à ceux des sahaba qui étaient à Kinul Abbas. Pourtant leur intention était bonne. Bien sûr qu'elle était bonne, mais ça ne suffit pas. Et dans sa réfutation de la fatwa du cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qui a rendu licite le fait de devenir un membre du Parlement ainsi que la participation aux élections démocratiques en se basant sur la règle, les actes sont basés sur les intentions. Cheikh Abdel Qadir Ibn Al-Aziz dit, donc en préambule, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, avec tout le respect qu'on a pour lui, le grand respect qu'on a pour lui, c'est un homme et il n'est pas sujet, si vous voulez, à la perfection, hein. Il est sujet à l'erreur comme tout le monde. Et là, c'est même pas moi, c'est même pas les frères, c'est pas de simples étudiants à gauche ou à droite qui lui répondent. C'est un autre cheikh de son même grade qui est quand même le cheikh Abdel Qadir Ibn Abdelaziz qui lui répond. Et là, nous sommes seulement rapporteurs. Ça ne veut pas dire que nous jetons l'anathème à tout va. Non. C'est entre eux, mais nous rapportons, si vous voulez, leur réfutation pour que les gens, Inch'Allah, fassent leur propre recherche. Avec tout le respect qu'on a pour Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Donc, la réponse de Cheikh Abdelkader Ibn Abdelaziz par rapport à la permission de Cheikh Ibn Baz sur le fait que les actes ne valent pas, les actes valent par rapport à leurs intentions, par rapport à ce sujet qui est basé sur le carcan du vote dans le système démocratique, il dit. Donc, Cheikh Abdel Qadir, je dis que cette fatwa est fausse. Selon ce que nous avons cité de Al-Ghazali, que les péchés ne deviennent pas permis selon l'intention. De plus, le kufr est le plus grand des péchés. Et donc, comme le fait de joindre le parlement est du kufr, cela ne deviendra pas permis selon l'intention. Ceci en raison du fait que le parlement est le moyen par lequel le système démocratique est appliqué. Donc, sachant que le verdict de la participation à ce système ou de l'élection d'un membre se relie à la connaissance du verdict de la démocratie, le verdict de cela dépend de la connaissance de sa réalité. Tiré de Al-Jami' fi Talab al-Ilm, Al-Sharif, tome 1, page 147-148. Par conséquent, l'intention n'est pas un facteur pour permettre un péché tant que la personne est consciente que c'est un péché. Et cela ne permet pas de commettre du kufr ou du shirk, même si l'intention pour le résultat de cet acte est un bénéfice ou un soulagement pour les musulmans. Si c'était le cas, alors nous aurions permis la vente de bibles et d'idoles pour que l'argent soit donné aux musulmans qui sont dans le besoin. Et personne ne permettrait une telle chose. Le point suivant, la règle commander le bien et interdire le mal. Ceux qui utilisent cette règle disent que le fait de voter pour le candidat le moins pire dans l'élection démocratique ou voter pour lui en raison de ses bonnes politiques qui sont moindres et contraires aux mauvaises politiques de ses adversaires est une sorte de commander le bien et d'interdire le mal. Notre réponse à cela est que cette participation aux élections démocratiques est en elle-même un mal qui doit être interdit, car cela mène à associer les désirs des hommes avec la législation d'Allah le Très-Haut. Et si ce concept est clair dans l'esprit du lecteur, alors l'argument de voter pour un candidat dans une élection démocratique qui est du shirk revient à commander le bien et interdire le mal qui est obligatoire. Il verra donc que cet argument est totalement contraire à la règle qui a été mal appliquée ici. Parmi les conditions qui sont connues pour ordonner le bien et interdire le mal, il y a le fait que cela doit être fait par des moyens licites. Par conséquent, il n'est pas permis de tuer un homme pour qu'il arrête de voler. Et il n'est pas permis d'escroquer l'argent d'un musulman dans le but de le préserver, de payer des intérêts. De même, il n'est pas permis de kidnapper la famille d'un homme dans le but qu'il ne puisse pas les frapper. Ceci n'est pas inconnu pour celui qui a la compréhension la plus basique de cette règle qui est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Une autre condition est que le résultat d'ordonner le bien et d'interdire le mal ne doit pas se terminer en un mal plus grand. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Et si ceux qui ordonnent et interdisent savent que le résultat de leur acte aura une fusion imparable du bien et du mal, alors il ne leur est pas permis d'agir ainsi jusqu'à ce qu'ils évaluent son résultat. Si le bien sera prédominant, alors ils doivent le faire. Et si le mal sera prédominant, alors ils ne doivent pas le faire. » Même si cela entraîne la perte d'un moindre bien, dans ce cas, commander le bien, qui se terminerait en quelque chose de pire, deviendrait un acte de commander le mal et d'encourager la désobéissance à Allah et à son messager. tiré du célèbre livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui fait référence tout simplement à cette règle, ordonner le bien et interdire le mal, page 21. Et Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, donc Ibn al-Qayyim dit, donc si l'acte d'interdire le mal mènera à ce qui est pire et le est plus détesté d'Allah et de son messager, alors il n'est pas permis de l'interdire, même si Allah ne l'aime pas, c'est-à-dire ce mal, et n'aime pas ce qu'ils font. Ilam al-Mu'aqqiyin, volume 3. Donc le fait d'essayer d'interdire le mal par ceux qui appellent à la participation des élections démocratiques est rémunéré par le prix du shirk, de l'association et de la désobéissance. Examine donc la balance. Même si nous sommes d'accord avec nos frères à propos de la situation grave et terrible dont les musulmans font face aujourd'hui en Irak et ailleurs, nous devons peser cela contre l'acte du shirk auquel nous avons été invités avec l'intention de réduire l'oppression de ces musulmans. Allah le Très-Haut nous dit dans Sourate al-Baqarah, Sourate la Vache, 191, Al-Fitna, l'association, dans ce verset-là, selon les mots Mufassirin, Al-Fitna, est plus grave que le meurtre. Dans la même Sourate al-Baqarah, verset 217, Al-Fitna est plus grave que le meurtre, toujours par les mots Mufassirin, l'association. Ici, le mot Fitna signifie le shirk et le kufr, comme on peut le constater dans les livres de tafsir. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit concernant ces versets, en d'autres termes, le meurtre, même si en cela il y a un mal, il y a dans la fitna des mécréants, des négateurs, un mal encore plus grand. Dans le Majmou' Fatawa, volume 28, page 355 du concerné, qui est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh Ali Al-Khoder, un contemporain, a mentionné dans son chapitre, appelé à l'attestation de La ilaha illallah, que Cheikh Sulayman ibn Sahman a dit à propos de ces versets, Al-Fitna, c'est le kufr, la mécréance, la dénégation. Donc si tous les bédouins et les habitants de la cité, c'est-à-dire tous les gens, se combattaient jusqu'à ce que tous soient partis, cela serait moins grave que s'ils mettaient un tarout dans le pays qui jugerait avec ce qui contredit la sharia d'Allah dans l'islam. Al-Jamu' al-Tajrid fi sharh kitab al-Tawhid, page 121. Par conséquent, il n'y a aucun doute que le fait de commettre un acte de shirk avec l'intention de réduire le mal sur les musulmans, même si ce mal atteint le degré de la mort, est un mal plus grand, et ceci ne peut pas être appliqué dans le cadre d'ordonner le bien et d'interdire le mal, car le mal de cet acte est plus grave que le mal qu'il y ait sur les musulmans. Le point suivant, la règle, la nécessité permet l'illicite. Ceux qui utilisent cette règle disent que les musulmans sont dans une situation de nécessité, ad-darur, dans laquelle faire des actes illicites tels que participer aux élections démocratiques est permis. Quant à l'utilisation de cette règle, le lecteur doit savoir qu'elle n'est pas absolue. Il y a des exceptions et des conditions à cette règle qui la rendent non applicable pour la participation aux élections démocratiques. Premièrement, il y a certains points qui ne sont pas des nécessités. Par conséquent, nous devons faire attention à ne pas appliquer cette règle à quelque chose qui ne soit pas une nécessité, tout simplement. Et il est connu que les nécessités sont de cinq catégories principales. Sa religion, sa propre vie, sa santé mentale, son honneur et son argent. Sa religion, sa propre vie, sa santé mentale, son honneur et son argent. Voir Fath al-Bari, volume 1, page 179. Par conséquent, il n'est pas permis de commettre la fornication ou de se marier avec quelqu'un avec qui l'on ne peut se marier, c'est-à-dire son marham par exemple. À cause du désir sexuel ressenti et ensuite prendre la règle ci-dessus comme excuse du péché. Il n'y a uniquement certaines affaires qui tombent dans les nécessités et donc on ne peut pas appliquer cette règle pour toutes les choses. Deuxièmement, lorsque cela mène au kufr et au shirk, il n'y a aucune excuse pour le faire sous prétexte d'une nécessité, ad-darura. Ceci parce que le fait de commettre du kufr ou du shirk est une violation de l'une des catégories elle-même, sa religion. Comment peut-on donc chercher à justifier le fait de garder une nécessité au détriment d'une autre? Le seul cas où cela soit permis est lorsque on est sous la contrainte. Et comment pouvons-nous regarder certains exemples où il est permis de commettre un péché basé sur une nécessité légitime et ensuite utiliser cette comparaison pour permettre l'accomplissement d'un acte de kofre ou de shirk? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: en vérité, parmi les choses qui sont interdites, il y a ce qui a été clairement cité, que la législation islamique ne permet aucune chose de ça, c'est-à-dire des interdits. Que ce soit en cas de nécessité ou non, tels que le shirk et les actes sexuels illégaux. Le fait de parler d'Allah sans science, ainsi que la transgression claire. Et ce sont les quatre choses qui sont mentionnées dans ça. Le Très-Haut, Allah Azawajal, dans sa parole, dit: mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, donc, tant apparentes que secrètes. De même que le péché, l'agression, sans droit, et d'associer à Dieu ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et dire sur Dieu ce que vous ne savez pas. Sourate 7, verset 33. Donc, toutes ces choses sont interdites dans toutes les sharia. Et c'est avec cet interdit qu'Allah a envoyé tous les messagers et il n'a permis aucune chose de ces interdits, dans quelles conditions que ce soit. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été révélés dans un chapitre de Mecca, c'est-à-dire au début de la révélation. À voir dans le Majmou' al-Fatawa, volume 14, page 470-471. Cheikh Ali al-Khudair a rapporté que Cheikh Hamad ibn Attiq, qui a dit: il, le Très-Haut, a dit: certes, il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre que Dieu. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Surat al-Baqarah, surat la vache, verset 173. Donc il a été mis comme condition, alors que la nécessité existe, que celui qui mange ça le fasse sans désobéir ou transgresser volontairement. Et la différence entre les deux conditions n'est pas inconnue, c'est-à-dire entre la contrainte et la nécessité. Et il, Ibn Atiq, a dit: et dans la permission de la consommation de la bête morte pour celui qui est dans le besoin, y a-t-il quelque chose qui indique la permission de l'apostasie volontaire? Est-ce que ceci peut être comparé au fait de se marier avec sa sœur ou sa fille, sous prétexte qu'il soit permis à une personne libre de se marier avec une esclave par crainte de la fornication ou de l'impossibilité de se marier avec une femme libre? Et ce pourvoyeur de doute a ajouté: plus que la comparaison de ceux qui disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt. Dans Surat al-Baqarah, verset 275, rapporté de Hidayat al-Tariq, page 151. Et Cheikh Ali al-Khudair continue en ajoutant: et nous disons, y a-t-il dans la permission de consommer la bête morte, pour celui qui est dans le besoin, quelque chose qui indique qu'il soit permis d'intégrer les conseils du shirk volontairement et de s'allier aux laïcs et au gouvernement tawarit, pluriel de taout, en utilisant l'argument de les intérêts de la da'wa, de la prêche, tiré de Al-Ja'mou wa Tajrid fi Sharh al-Kitab al-Tawhid, page 121. Règle suivante, point suivant: le coffre est excusé sous la contrainte. Donc un autre argument qui disent: le coffre, donc la mécréance, la dénégation, est excusée sous la contrainte. Étant donné que nous avons montré que le coffre et le shirk ne sont pas permis sous prétexte de la nécessité, voire la règle précédente, la prochaine étape est de rendre permis la participation aux élections démocratiques en utilisant cette règle, selon eux. Et ceux qui l'utilisent essayent de montrer que la situation est tellement sérieuse que cela est une affaire de contrainte. Et nous disons que si une personne était réellement contrainte à participer aux élections démocratiques, alors cette règle l'excuserait et l'on ne pourrait pas la blâmer de l'avoir fait. Cependant, la définition et les conditions de la contrainte ne conviennent pas dans la situation dont nous sommes en train de discuter. Premièrement, la définition de la contrainte implique que la personne soit littéralement forcée à faire quelque chose, et non qu'elle le fasse volontairement. En préambule, ce qui entre dans l'ordre passif est l'ordre actif. Al-Bukhari a défini la contrainte comme suit. Retenir de force une personne sur quelque chose qu'elle ait refusé de faire, si bien que cette personne craigne que celui qui la retient sous la contrainte exécute sa menace. Donc cette personne devient craintive et n'est pas satisfaite en raison de l'exécution de cette contrainte. Kefch el-Asrar, volume 4, page 482 de Bukhari. Et le docteur Mohammed ibn Abdillah el-Wuhaybi a dit: c'est ce qui s'affectue sur la personne contrainte elle-même, si bien qu'elle n'ait plus de possibilité ni de choix à cause de ça. Tiré de Al-Nawaqid al-Iman, volume 2, page 7, du docteur Mohammed ibn Abdillah el-Wuhaybi. Par conséquent, ceux qui utilisent cette règle pour permettre la participation aux élections démocratiques ne peuvent pas prétendre que c'est de la contrainte. Et le simple fait que les musulmans soient appelés à faire cet acte volontairement est une preuve claire qu'ils n'ont pas été contraints à le faire. Quant aux conditions de la contrainte, Ibn Hajr a dit: et les conditions de la contrainte sont au nombre de quatre. La première est que celui qui la commet soit dans la possibilité d'exécuter sa menace, alors que celui qui est menacé est dans l'incapacité de repousser cette menace même en s'enfuyant. La seconde est que la personne appréhende fortement que si elle refuse de se soumettre, alors la menace sera exécutée sur elle. La troisième est que ce avec quoi la personne est menacée soit immédiat. Donc, si celui qui menace dit: si tu ne fais pas ça, je te battrai demain, la personne n'est pas considérée comme étant sous la contrainte. Mais il y a exception qui est si celui qui menace donne un délai qui soit vraiment proche ou s'il revient sur sa décision. Et la quatrième est que rien ne montre que celui qui est menacé se plie volontairement. Tiré de Fath al-Bari, volume 12, pardon. 311. Par conséquent, cette règle est correcte, et si une personne était réellement contrainte à participer aux élections démocratiques, elle serait accusée d'avoir commis le kufr et le shirk. Cependant, il est clair que ce que l'on appelle contrainte ici dans ce cas n'est pas conforme à la définition de la contrainte, ni même aux critères des conditions pour que cela soit valide. Un point concernant la contrainte. Ce qui se passe pour nos frères et nos sœurs qui sont en Irak ou autres à cette époque les met pour beaucoup d'entre eux dans des types de situations que l'on qualifierait comme étant de la contrainte, à la fois dans la définition et dans les conditions qui la rendent valide. Et il n'y a aucun doute que ces choses ont lieu et que les ennemis d'Allah, qu'Allah les maudisse, torturent, tuent, violent et humilient ces personnes. Quiconque entend parler des détails de ces incidents serait d'accord que si de nombreux musulmans étaient dans de telles circonstances et étaient forcés à commettre du kufr ou du shirk pour cesser cette torture, alors ils seraient excusés par la règle ci-dessus. Et en préambule, Amar ibn Yasir, qui est une règle symbolique, qui est un exemple symbolique pour cette règle. Cependant, la réalité est que ceux qui appellent à participer aux élections démocratiques n'ont pas été contraints par ceux qui commettent ces actes contre nos frères et sœurs musulmans. Et c'est pour cette raison que cette règle ne peut pas être appliquée pour permettre à un groupe de musulmans dans une partie du monde de commettre du kufr ou du shirk au nom de ces musulmans qui souffrent aux mains de leurs ennemis dans une autre partie du monde. Et cette terrible réalité ne s'empare pas du fait que ceux qui appellent à voter pour les membres du Parlement et ceux qui votent pour eux soient contraints de le faire, ni que les conditions soient présentées pour appeler cela de la contrainte. Maintenant, le jugement de ceux qui participent aux élections démocratiques, qui sont dans cette sphère, qui sont dedans. Concernant ceux qui participent à ce shirk, il n'y a aucun doute qu'ils commettent du kufr, et que leur acte n'est pas permis sous prétexte de doute ou d'idées fausses reçues qui ont été mentionnées dans ce texte. Cependant, ce qui est aussi certain, c'est que beaucoup de nos frères et sœurs qui appellent à voter, et qui participent aux élections démocratiques, ne sont pas conscients de la réalité de ce que cet acte implique. Ceci est un point important. Deuxièmement, il est clair que beaucoup de ceux qui participent aux élections démocratiques le font uniquement dans le but d'apporter du bien ou de réduire du mal, même si c'est une utopie. Et bien que nous n'ayons pas dit que l'intention de ceux qui font du kufr ou du shirk peut changer l'acte d'être appelé ainsi, ce qui est correct de dire, c'est que l'ignorance de ceux qui commettent ce shirk, pensant que cela soit une bonne action et voulant l'obéissance par cette action, est un facteur qui empêche de les déclarer mécréants. Par conséquent, nous ne disons pas que cet acte n'est plus du shirk et du kufr, même si ceux qui le commettent le font dans l'intention du bien, mais puisqu'ils sont ignorants concernant la réalité de cet acte, et aussi parce que cette affaire est confuse à cause des fatawas des savants qui le rendent permis se basant sur les règles que nous avons réfutées, les rendre de ce fait immédiatement mécréants est une réaction extrémiste. Et nous n'agissons pas ainsi, jusqu'à ce que l'affaire leur soit clarifiée et que tous les doutes et les idées fausses reçues soient enlevées. Dans son avertissement contre ceux qui vont dans l'extrême concernant le fait d'appliquer le tekfir sur les autres, le cheikh Abu Muhammad al-Maqdisi a dit à propos de ceux qui se hâtent de faire le tekfir de ceux qui participent aux élections démocratiques, et il y en a parmi eux qui sont amenés à voir ces affiches de campagne élaborées, où il est écrit en gras « L'islam est la solution » et d'autres choses semblables parmi les slogans, dont se servent les polythéistes de la législation pour tromper les musulmans. Ces derniers votent donc pour eux et les choisissent en raison de leur amour envers l'islam et de leur allégeance à sa sharia. Ils ne connaissent pas l'impasse qui mène au shirk, que ses représentants prennent pour juger, avec quelques peines, de la législation islamique dans leurs revendications. Donc, tout ceci doit être pris en considération avec ceux qui ne prennent pas directement la législation ou qui ne font pas directement serment d'honorer les lois du kufr, ou bien encore qui ne les jugent pas directement ou autres parmi les paroles et actes de kufr que les représentants commettent. Car nous savons que celui qui vote ne fait pas tout ça, ni ne le commet, mais il élit uniquement et délègue en son nom celui qu'il choisit. Et ensuite le cheikh Abu Mohammed al-Maqdisi, savant jordanien actuellement emprisonné en Jordanie, pour ses paroles subversives et claires par rapport à la structure étatique jordanienne et par rapport à d'autres sujets dont ses sources sont vérifiables selon le Coran et la Sunna. Mais bon, on vit à une époque où dire la vérité peut être passible d'emprisonnement. C'est pour cette raison qu'il n'est pas permis de se hâter dans leur tekfir, sauf après établissement et clarification de la réalité des actes de ses représentants, ainsi que tous ceux qu'ils commettent comme actes de kufr, qui annulent la religion de l'islam et le tawhid du Seigneur des mondes. Ensuite, s'ils insistent pour aller voter pour eux après cette clarification, donc après Iqamat al-Hujja, alors, donc l'établissement des règles dans l'ordre de la clarification, alors ce sont des mécréants. Donc c'est une obligation de faire la différence concernant les électeurs entre ceux qui ne l'ont pas voulu, mais qui voulaient choisir quelque chose d'autre qu'un législateur, et on ne doit pas faire le tekfir sur le second type, sauf après établissement de la preuve. Car bien qu'ils aient commis ouvertement un acte de kufr, selon ceux qui ne connaissaient pas leur intention, la confusion de la situation, les idées fausses qui l'entourent, ainsi que le fait que la démocratie et les parlements sont mis sous des titres de noms et des phrases qui sont étrangers, font que certains gens commencent à commettre des actes alors qu'ils ne sont pas conscients de leur réalité. Cela fait donc partie de la catégorie de ceux qui émettent une parole alors qu'ils ne savent pas ce qu'elle veut dire. C'est un peu, et voilà, c'est un peu pour rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, entre la différence même de, enfin l'ignorance du shirk en lui-même et l'ignorance de la situation. Tirer du livre par rapport au laxiste et par rapport au khourou, à l'exagération de l'anathème Tekfir, page 418 du Cheikh Abou Mohamed Al-Maqdisi. Il est donc obligatoire pour ceux qui comprennent la réalité du jugement de la démocratie et en particulier le jugement de la participation aux élections démocratiques de clarifier ce sujet aux gens afin d'enlever tous ces doutes et idées fausses reçues. La conclusion. Ô lecteur, et pour ce cas-ci, ô auditeur, il n'y a aucun doute que les musulmans font face à de terribles atrocités de nos jours. Et les yeux sont mouillés par les larmes, les cœurs sont remplis de rage en voyant les images et en entendant les informations de nos frères et sœurs qui font face à ces circonstances actuelles. Ceux qui ne se sentent pas tourmentés, désolé, tourmentés et tristes lorsqu'ils méditent sur la réalité actuelle doivent remettre en question leur foi et examiner leur cœur mort. Et en même temps, nous rappelons à nos frères et sœurs, pour ne pas qu'ils soient trompés par les pièges de Shaitan, qui veut les induire en erreur, et nous devons faire attention à ce que ceux qui voudraient exploiter nos sympathies et nos craintes pour que nous tombons dans le shirk, pensant que nous accomplissons de bonnes œuvres, ne profitent pas de nous. Et avec ça en tête, nous n'interdisons pas la participation à certaines activités politiques qui n'impliquent pas de shirk ou de kufr, tant que cela soit fait selon la sunna et que les gens ne tombent pas dans l'égarement à cause de cela, telles que des démonstrations, des échanges, des campagnes et autres parmi les activités politiques orientées qui n'entrent pas dans les interdictions de la charia. Pour conclure, ceci est ce que nous avons pu écrire en réponse à ce récent débat qui est survenu récemment et notre intention était d'adresser ce sujet particulier de la participation aux élections démocratiques et de réfuter certaines affirmations de ceux qui y appellent. Et si ce qui a été présenté ici est juste, c'est dû à Allah le Très-Haut et toutes les erreurs et défauts que nous ayons commis viennent de Shaitan. Nous cherchons refuge contre lui auprès d'Allah et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons jusqu'au jour dernier. Et en conclusion finale, le but bien évidemment n'est pas de rentrer si vous voulez dans une optique de concurrence, si vous voulez une sorte de match de boxe qui a raison, qui a tort, non, wallahi, mon intention et je pense et je donne le bon soupçon, ce qui est naturel, des frères et des étudiants et des chouyours qui ont émis qui ont fait des recherches par rapport à ça, qui ont fait des avis, des décrets juridiques par rapport à ça. Donc je parle des savants et des simples étudiants ou de simples modestes personnes, de simples facteurs comme moi et comme d'autres qui essayent, si vous voulez, de transporter, de distribuer ces lettres de savants, hein, de fatawa sous support de lettres, si vous voulez, pour faire un peu cette métaphore. C'est pour le bien De la communauté, tout simplement, parce que c'est vraiment très grave. C'est vraiment un sujet qui est délicat, mais qui est important. C'est important pour, si vous voulez, ça fait partie du tawhid. Il y a beaucoup de gens qui négligent le côté al-hakimiya du tawhid, le côté législatif. Et c'est vraiment pour que les gens réfléchissent et pour que les gens se rendent compte qu'en fin de compte, tout simplement, tout cela est un leurre, est une utopie. Aussi bien théologiquement parlant, nous ne devons pas voter pour eux, nous n'avons pas rentré dans leur politique. Cela ne veut pas dire que nous devons déclarer la guerre, ça n'a strictement rien à voir. Il y a même des témoins de Jéhovah qui sont de cet avis-là. Il y a des catholiques monarchistes qui sont contre la structure étatique démocratique, qui veulent une sorte de savancratie, etc. C'est pas une question de guerre dans le sens, du moins je parle pour les gens qui sont en Occident. C'est tout simplement le droit de s'auto-refuser de participer aux élections démocratiques, car islamiquement parlant, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue confessionnel, d'un point de vue spirituel, on ne veut pas, on s'auto-interdit de participer à cette mascarade. Parce que Allah, l'exalté soit-il, le Seigneur des mondes, qui nous jugera yawm al-qiyama, nous interdit toute forme d'association dans n'importe quel champ, dans l'ordre de l'adoration, dans l'ordre du raïb, de l'invisible, et dans l'ordre législatif. Donc, wallahi, ce que je conseille aux frères et sœurs, c'est de faire des recherches encore plus approfondies là-dessus. Alhamdulillah, on vit à une époque où la science peut être acquise. Il suffit juste de bouger. Les tickets d'avion ne coûtent même plus cher pour s'asseoir à côté des chouyours. Les ouvrages sont là. Il suffit d'avoir, si vous voulez, une sorte de cheminement comparatif et de prendre les différentes analyses de ceux qui permettent, de ceux qui sont d'avis que le shirk en lui-même est impie, son socle est impie, mais qui permettent pour certaines conditions et qui acceptent la règle du moins pire, et ceux qui la réfutent. Moi, personnellement, je fais partie de cette école-là. Je suis convaincu. Mais par amour pour mes frères et sœurs, c'est, je leur demande de faire des recherches parce que, wallahi, c'est quelque chose qui est très grave. Et en même temps, taclons, c'est péjoratif comme terme, mais entre guillemets, mettons de côté le côté religieux, même d'un point de vue historico-politique, nous voyons on perçoit que c'est un leurre. Donc en même temps, tu votes, ça sert à rien, et en même temps, il y a un doute que ça peut te ramener, que ça peut être un cheminement qui peut te ramener vers le shirk. Donc même les grands chouyours qui ont, si vous voulez, déduit la règle du moins pire, hein, savants, qui sont de cet avis-là, à savoir le moins pire peut être actionné, ont comme socle d'idée que la démocratie en elle-même est impie. Donc eux-mêmes considèrent le socle démocratique et sa structure comme étant impie, islamiquement parlant, tout comme des témoins de Jéhovah, tout comme certains catholiques, tout comme certains chrétiens, même tout comme certains juifs qui appellent à une sorte de théocratie. Même si la théocratie, d'un point de vue sémantique, l'étymologie de théocratie n'est pas très appropriée pour le musulman qui veut la législation islamique, donc Allah est le législateur et Al-Qadi les juges exécutifs, mais bon, c'est une dialectique un peu populaire, on est quelque part théocrate, avec un champ un peu plus général, on est quelque part théocrate, tout comme d'autres non-musulmans le sont. C'est tout simplement un choix pour Allah Azawajal. De toute façon, on doit tous rendre des comptes par rapport à ça. Donc, Inch'Allah, que les gens fassent leurs recherches. Et voilà. Salam.